senti, c'est vous-même que moi choisi. Ou son belle mélodie qui fait me sentir non pas dit. Tant pis, tant pis, ou dis-moi l'enfredi. Tant pis, fais-moi cadeau, petit sourire. C'est pas pour daddy, ma fille chante pour. Puta.